Lettre 37e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, février 302. Il y a longtemps, mon cher Phocion, que tu as reçu ma dernière lettre qui t'apprenait la perte irréparable que j'ai faite. Je ne me rappelle plus ce que je t'écrivis dans un moment où je n'étais plus à moi-même, mais tu sais ce que j'ai perdu et de quelle manière. Cela te suffit pour te former une idée de ma situation actuelle. L'étourdissement ne dure pas toujours, et mon esprit s'est relevé de son profond abattement. Pendant le temps que je fus à Trachène, au milieu des dangers et du malheur des voisins de Démétrius, je conservais mes forces physiques et morales. Ce ne fut qu'à Nicomédie, lorsque j'eus repris ma vie ordinaire, que je succombai à mon malheur et que je fus vraiment malade. Comment je me suis remis et à quelle fin, c'est ce que j'ignore. Mais peu à peu, j'ai repris la faculté de dormir, que j'avais complètement perdue. Je puis vaquer à mes affaires, et je vois avec regret que je puis traîner longtemps encore ma triste vie. Ah oui, bien triste. Elle me paraissait déjà si inutile, si indifférente, que je l'aurais volontiers rejetée loin de moi. Mais je ne le puis pas, je ne l'ose pas. Je crains trop de perdre ma dernière espérance, celle de retrouver ma Larissa dans un meilleur monde. Phocion. Un rayon céleste a réchauffé mon âme. Un sentier s'est présenté à moi pour parvenir à la vérité, à cette vérité que j'ai vainement cherchée jusqu'à présent. Le devoir de l'homme observateur n'est-il pas de suivre le chemin qui s'offre à lui, pour voir du moins où il mène? Dût-il même se sacrifier pour arriver à cette découverte? Longtemps je fus égaré par une lumière trompeuse. En la perdant, je restais plongé dans une obscurité effrayante, sans guide pour en sortir. À présent, une clarté vive et pure m'apparaît et me console, et je ne balance pas à la suivre avec confiance. Un sage chrétien nommé Apelles, qui était le conducteur et l'ami de ma pauvre Larissa, fut la première personne qui s'approcha de moi lors de cette horrible catastrophe. Il fut aussi mon soutien et mon ami, et c'est à sa douce et persuasive éloquence que je dois le retour de ma raison et la force de ne pas succomber tout à fait à l'excès de ma douleur. Ses consolations avaient quelque chose de divin. Il les puisait au fond de son cœur et les faisait pénétrer dans le mien comme un rayon céleste. Ne pouvant plus avoir d'espérance pour cette vie, il m'en rendit de bien plus certaine pour l'avenir. Il m'ouvrit les portes des cieux, de ce séjour éternel de bonheur que Larissa occupe déjà où elle m'attend. Mon âme s'élança vers elle et se releva avec mes espérances. Je retrouvai avec elle et mes forces et ma santé. Je redevins capable de penser et d'agir. Un chrétien sage est l'être le plus respectable. C'est, j'en suis convaincu, le plus haut point de perfection dont la nature humaine soit capable. Soyez parfait, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait, a dit leur divin maître à ses disciples. Quelle image, quel modèle, et quel Dieu que celui des chrétiens! Ce n'est point un être tel que les dieux vicieux de l'Olympe, soumis aux faiblesses, aux passions, aux jouissances sensuelles. Ce n'est point non plus un spectateur oisif comme les dieux d'Épicure, vivant dans une continuelle apathie, laissant aller le monde comme il peut, d'après les lois générales. C'est un être immortel, tout-puissant, qui n'eut point de commencement, qui n'aura point de fin, qui sait tout, qui peut tout, qui est présent partout. De rien, du néant, il a créé tout ce qui existe, et il l'a fait par amour, pour former des créatures à son image, qu'il peut rendre éternellement heureuses. La doctrine des chrétiens est simple et sublime, et plus facile à comprendre, je t'assure, que les systèmes variés de nos philosophes. Qu'on l'envisage sous un vrai jour, dégager des idées poétiques, et tu n'en trouveras aucune qui soit plus sage et plus modérée. L'histoire de la chute du genre humain est d'une grande beauté, présentée tantôt sous une image douce, tantôt dans toute son horreur. Elle est fondée sur la connaissance du bien et du mal, qui réveille avec force la conscience et lui donne le sentiment vrai de ce qui est juste ou injuste, tout en détruisant le beau rêve d'une innocence éternelle. Tu dois voir là le siècle d'or et la raison de sa disparition dans les lois immuables de la nature de l'homme. La fable de Psyché est l'allégorie du genre humain. Ce Dieu qui créa les étoiles et toutes les créatures, qui dirige leur sort dans sa sagesse adorable, les chrétiens lui donnent le doux nom de Père. Ce n'est point par des sacrifices et en faisant couler sur ses autels le sang des animaux. ce n'est point par des offrandes qu'il cherche à lui être agréable, mais en lui présentant celle d'un cœur bon et juste. Tous les mortels sont leurs frères, les aimer comme soi-même, ne faire aux autres que ce qu'on voudrait qu'il nous fût fait, voilà leur premier principe. Plus on réfléchit sur ces idées si relevées, si sublimes dans leur noble simplicité, plus on adore celui qui, en si peu de mots, sut embrasser toutes les lois de la morale. Aimer Dieu par-dessus tout, et son prochain comme soi-même, que peut-on demander de plus? Ah, Phocion, ce monde serait déjà le paradis, si tous les hommes voulaient suivre cette maxime. Mais les chrétiens vont plus loin. Ils veulent, ils demandent de leurs disciples de mettre un frein aux passions les plus actives, à la colère, à la vengeance. Bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous haïssent. Dans quelle école, Phocion, enseigna-t-on des vertus aussi sublimes? Oui, la morale chrétienne est divine. Mais si elle nous montre une hauteur où nous ne saurions atteindre, elle nous excite au moins à y tâcher. Et de quoi l'homme n'est-il pas capable lorsqu'il veut employer toutes ses forces? Il doit se représenter sans cesse le but de ses efforts, parvenir à l'infini, devenir un être immortel et complètement heureux, envisager cette terre que, comme un séjour passager, et le supporter avec courage. Nos philosophes ont entrevu cette sublime destinée de l'homme, mais le Christ l'annonce d'une manière bien plus sûre et plus positive. Il l'a scellée de son sang, il s'est chargé des péchés des hommes et s'est livré volontairement pour tous à la justice divine. L'homme faible et chancelant trouve dans le mérite de cette action ce qui manque à ses efforts. Il sait qu'il a dans le ciel un médiateur. Encouragé par cette espérance et par les vertus de son divin modèle, il ose approcher du trône du Tout-Puissant avec moins de terreur. Vois, mon cher Phocion, combien cette doctrine est sublime et analogue au cœur de l'homme. Je ne la connais pas encore parfaitement, mais ce que j'en sais persuade ma raison et satisfait mon âme. Qui pourrait donc me blâmer si je l'embrasse et si je deviens tout à fait ce que je t'avoue que je suis déjà, en grande partie, un chrétien? Je ne veux cependant pas me presser. Ce changement est trop important. Il exige la plus grande liberté d'esprit. Mon âme n'est pas encore assez calme. Le souvenir de Larissa est encore trop présent à ma pensée. Un poids insupportable oppresse trop mon cœur. Oh, Phocion, quelle perte j'ai faite! Larissa, compagne de mon enfance, amante de ma jeunesse, bonne, sensible, aimable, amie d'Agathoclès, où es-tu maintenant? Ce passé qui m'occupe sans cesse, existe-t-il encore pour toi? Te le rappelles-tu? Vois-tu ton ami inconsolable, abandonné? Ou bien est-ce qu'en perdant la vie, on perd aussi l'amour et le souvenir? Système effrayant, que le cœur repousse et qui doit désespérer les malheureux. Quel serait alors l'avantage de l'immortalité pour l'être pensant? Notre sort ne serait-il pas semblable alors à celui des animaux, des plantes, qui, par la décomposition de leur corps et la marche de la nature, revivent sous d'autres formes, en partie organiques, sans aucun souvenir de leur état précédent? Non, ce n'est pas ainsi que Dieu forma l'homme à son image. À cet égard encore, le christianisme confond les sophismes et les subtilités de la philosophie. Une autre fois je t'en parlerai. Il me suffit de savoir avec certitude que Larissa n'est point anéantie, qu'elle erre autour de moi, qu'elle m'aime. Quoique sa voix angélique ne se fasse plus entendre et que sa figure céleste ne se montre plus à moi, elle existe encore pour moi et ne sera jamais remplacée. Mais ne plus la revoir, cette idée renferme des peines infinies. Laisse-moi te quitter et cesser de t'en parler si je ne veux pas amollir mes forces. Adieu.